tout bon forestier connaît Hydromec, 2921 Boulevard Wahlberg. En plus de faire la réparation et la vente d'équipements forestiers neufs ou usagés, nous avons un département de pièces qui répond aux besoins de nos clients. Notre équipe est aussi reconnue pour la qualité de son service et a obtenu le titre de meilleur centre Ponty au monde. Hydromec, fondé en 1975, compte plus de 50 employés. Pour nous rejoindre, 418-276-5831. Tout notre personnel est heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. À pareille heure, on était tous fébriles. Shane Gauthier de Dolbeau-Missassini allait être repêché par une équipe de la Ligue canadienne. On ne savait pas par quelle équipe et par quel rang. Ça a été les Blue Bombers de Winnipeg qui l'ont finalement sélectionné. On pensait tous que c'était le premier de Dolbeau-Missassini à avoir eu au moins un contact avec une équipe de la Ligue canadienne de football. Mais non, on a appris en fin de semaine que Gilles Beaulieu a déjà participé au pré-camp des Alouettes de Montréal dans les années 80. Et question de savoir comparer un peu son époque à l'époque de Shane. On lui parle. Bon après-midi, M. Beaulieu. Oui, bonjour. M. Beaulieu, si on parlait un peu de votre époque comparativement, je pense que ça ne marchait pas du tout comme ça fonctionnait avec Shane. Non, effectivement. À l'époque, c'était un peu les balbutiements du football qui commençait. Il y avait comme l'équipe pour qui j'ai joué, mais c'est les Genois d'Alger. Okay. Mais juste avant ça, avec la polyvalente Jean Delbeau, on avait le football scolaire avec François Gauthier qui nous montrait un peu les rudiments du football. À partir de là, c'est là que tout s'est mis en branle. Avec des amis dont Luc Boudreau et Mario Tremblay, j'avais fondé la ligue de football préscolaire. On était une gang d'amis, on était voir Harry Paul Auger. Okay. Qui nous avait comme commandité, puis il avait rentré avec la coupe OG naturellement. C'est là que les premiers ponts ont commencé. Par la suite, moi, je suis allé jouer pour les Genois d'Allemagne. Ouais. C'est là que j'ai appris mon football. Mais il n'y a rien de comparable. C'est en fait comme dans n'importe quel sport ou domaine, ça a beaucoup évolué. Mm. Comme Shane Gauthier, justement, j'ai pris connaissance de tout ça. J'étais vraiment épaté. Du cheminement qu'il a réussi à faire, mais le football a beaucoup évolué depuis les années 78-79 et à l'époque pour Shane Gauthier. OK. Est-ce que si vous auriez eu, mettons que vous auriez eu les mêmes installations, les mêmes... je veux rien enlever, il a travaillé tellement fort, puis ainsi de suite, mais si vous auriez eu à peu près le même programme de football, les mêmes possibilités que Shane, est-ce qu'il y aurait eu des joueurs de Dolbeau-Missassini à votre époque, et même vous, là, qui auraient pu aller plus loin, là, et percer peut-être dans les Canadiens de football? Oui. Non, c'est sûr, puis je crois que la beauté du football, comparativement à beaucoup de sports, le travail fait en sorte que beaucoup vont percer. Mm. Il y a une grosse partie de talent, mais le travail. C'est sûr que l'entraînement ici, que les entraîneurs okay. vont faire en sorte que le football maintenant est beaucoup plus développé. La structure d'entraîneur, un peu comme au hockey d'ailleurs, la structure d'entraîneur. Oui, à Dolbeau, on a eu des talents extraordinaires que je pense aux frères Lamotte qui ont joué pour les Genois aussi, Richard et Rémi, okay. Avant moi. Après ça, il y a eu des gars comme Martin Voisine qui a joué dans le 3A, qui a littéralement, je dirais pas brûlé, mais était vraiment un corps arrière, qui a joué pour moi d'ailleurs quand j'ai fondé la Ligue, après ça, la Ligue contre Alma, qui a joué pour moi. C'est un joueur vedette, Martin. Ah ouais. Du talent à Dolbeau, là. Ça fait 30 ans que je suis à Montréal, 31 ans, puis j'ai toujours cru qu'à Dolbeau, il y avait une pépinière de talent, entre autres pour le football. OK, OK. C'est vraiment remarquable. Si on parlait maintenant de vous, vous avez participé au pré-camp des Alouettes de Montréal. Comment ça fonctionnait dans le temps? Il y avait des dépisteurs qui faisaient... Parce que là, c'était pas du tout comme dans le temps. Là. Il n'y avait pas le rouge et or, il n'y avait pas le vert et or, il n'y avait pas les carabins. Ouais. C'est un camp d'évaluation. Parce qu'en fait, dans le temps, les Alouettes, les yeux étaient pas mal moins tournés envers le Québec, tout simplement. C'était les équipes universitaires américaines naturellement, ainsi que l'Ouest canadien. Mm. Nous, au Québec, la seule université, c'était McGill, dans le temps. L'université McGill qui avait un programme de football. Okay. C'est sûr qu'on n'était pas beaucoup. Puis, il y avait des camps d'évaluation qu'on est invité. C'est comme moi, dans la Ligue de football allemand, j'ai fini, pour moi, j'étais joueur secondaire, j'ai fini premier pour les interceptions, premier pour les retours de beauté, premier pour les retours d'envoi. Fait que j'avais été au camp d'évaluation des Alouettes. Mais en sachant très bien, contrairement à Chine qui était repêché, que nos chances de faire le camp d'entraînement, parce que oui, il y a des joueurs qui ont pu ressortir, mais nous, on était plus bien au niveau dans ces temps-là, je parlais pas anglais. Okay. Écoute, c'est sûr qu'il y avait comme un peu une barrière de langue qui faisait en sorte que il y avait Jacques Dussault qui était là. Jacques Dussault. Ah oui, OK. Ouais, Jacques Dussault. Ouais, Jacques Dussault, il était entraîneur là, entraîneur adjoint. OK. S'occupait de nous aussi. OK. Fait que c'est sûr que le Oui, c'est ça. Donc, c'est clair que c'est pas du tout la même affaire. Est-ce que vous avez passé proche de faire l'équipe des Alouettes? Vous avez, ou au moins d'aller au camp d'entraînement des Alouettes? Non. En fait, non, quand même, je savais très bien. En fait, quand au camp d'entraînement, quand je suis allé au camp d'entraînement des Alouettes, je jouais pas ma position secondaire. Okay. Parce que j'étais beaucoup trop petit. C'est mon public faisant en sorte que je jouais plutôt le demi-défensif. J'ai pratiqué là, que je savais que normalement, le terme anglais, la chaise, ouais, le mot anglais, fait en sorte que j'étais juste 5 pieds 9, 185 livres dans ce temps-là. Puis, en sorte que j'étais pas à cette position-là la bonne personne, si on veut, mais non, j'ai aimé mon expérience, c'est une bonne expérience, mais moi, je me destinais à être policier. C'était vraiment la carrière que je voulais faire. Le football, c'était vraiment ma passion, ça l'est encore d'ailleurs. J'ai coaché ici à Montréal également. OK. Faire en sorte que j'ai fait le cheminement dans ça. Donc, c'est quand même intéressant, pareil, de voir qu'il y aurait pu. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à l'époque des Génois d'Alma, il y aurait eu plusieurs joueurs qui auraient pu jouer. Il n'y a pas juste Gilles Beaulieu, mais il y aurait eu plusieurs joueurs qui auraient pu aller loin si vraiment on aurait tout mis en œuvre sur le football. Ah, c'est certain. C'est certain qu'il y a des. Comme je vous disais tantôt, il y a du talent à Dolbeau. Quand j'ai coaché les jeunes, quand on a créé la ligue, quand on a embarqué dans la ligue à Alma, en fait, j'ai vu des joueurs talentueux incroyables, que ce soit les André Boulanger, comme j'ai dit, Martin Boisine, Michel Fillion, ainsi de suite. Il y a eu des joueurs qui avaient du talent. Il y a eu, j'oublie des noms, malheureusement, là, il y a que ça de quelques années, mais effectivement, le talent. Il y avait beaucoup de talent. Okay. Les joueurs, là, il y en a beaucoup qui auraient pu. Avec le Rouge et Or et ainsi de suite, là, le Montréal aussi, les Carabins, fait en sorte que l'encadrement est beaucoup plus. De qualité supérieure. Okay. Si on parlait des années 80, vous avez remporté, vous êtes allé très loin. Je parlais, il y a un de mes cousins qui a joué pour vous à l'époque, Carl Adams, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui lui, il m'a fait parvenir une des photos, d'ailleurs, que je vais mettre sur les médias sociaux, de cette équipe-là, avec Martin Voisine au poste de carrière, et Carl Jouy, il y avait également d'autres noms qui m'échappent, mais Martin Voisine est encore très impliqué à Dolbeau, très connu. Parlez-moi de cette équipe-là. Est-ce que c'était une équipe qui aurait pu aller bien loin? Ah oui, on avait un talent extraordinaire. Écoutez, et moi je me souviens très bien parce que quand j'ai, dans les années, c'est les années 83, 84, j'avais à Montréal, j'ai coaché à Allemagne. Okay. L'équipe que j'avais coaché à Allemagne, on a gagné, ils appellent ça la Coupe Limousée dans le temps. Fait qu'à partir de là, moi j'avais toujours l'idée à Dolbeau d'embarquer dans cette ligue. C'est là que j'ai fait des démarches pour aller rencontrer le directeur adjoint. C'était M. Dufour, je pense. Edmond Laprise, qui lui avait déjà joué à l'universitaire au football. Il a tout de suite embarqué dans mon projet. Il nous a équipés avec des 4 bikes. À l'époque, il valait environ 250 $. On était vraiment équipés, là, extraordinaire. Fait qu'on a monté notre petite équipe de football que Alma disait, ne vous en faites pas si vous ne gagnez pas souvent. Moi, mes joueurs, on avait pratiqué durant tout l'été. Okay. Tout l'été, on avait pratiqué. Les jeunes étaient là tous les jours. J'étais quand même assez strict dans la discipline. Les jeunes ont embarqué. Puis on a, dans la saison, 6 victoires, 0 défaites. La plupart, c'était des matchs. On a même gagné 64-0. Oh. On était une machine de football. C'était vraiment, là, avec justement les Martin Voisine et compagnie, là, c'était vraiment de toute beauté. De toute beauté. Pour finalement perdre la finale 1-0, aussi banal que ça puisse être, je vais m'en souvenir toute ma vie, il vantait environ un vent d'environ. Puis moi, mon attaque, je l'avais monté complètement dans les airs. Okay. Bon, au sol, on était moins fort, puis c'est là-dessus que... On a une saison extraordinaire. C'est là que le football a pris émergence après cette année-là, je crois. Que les jeunes ont réalisé tout le potentiel qu'ils pouvaient avoir. C'est là que les Martin Moisine et ainsi de suite ont gravi, les André Boulanger ont gravi, il y en a plein d'autres là, que j'oublie les noms, mais ont gravi les échelons. Moi, je veux revenir sur Shane Gauthier. Vous avez parlé d'effervescence, vous avez parlé que c'était cette équipe-là de 83 à Delbeau qui avait tout balayé. Le fait que Shane Gauthier va probablement atteindre les Canadiens de football, je parle avec plusieurs personnes qui sont près des Bombers de Winnipeg, qui me disent que Shane, c'est pratiquement certain qu'il va jouer sur les unités spéciales. Pensez-vous que pour une petite place comme Dolbeau, le fait que Shane Gauthier, que Shane va faire l'équipe, est-ce que ça va avoir un effervescent sur les autres jeunes? Sûrement. À quelque part, pour les plus jeunes, il va être un idole. Ouais. Je veux dire, c'est quand même un exploit extraordinaire. Ouais. Parce qu'au football, malheureusement, quand on pense que au hockey, tu sais, je veux dire, on est le côté américain, ouais. Et puis c'est une chance, la Ligue canadienne est là pour qu'il y ait un certain nombre de Canadiens québécois qui doit être pêchés. Mais on a toujours qu'un petit gars de Bulbo réussisse à percer, à se faire repêcher par les. C'est extraordinaire. Puis oui, ça va influencer certains jeunes. Parce que je veux dire, l'important, c'est d'y croire. Hein? Souvent, un rêve commence par comme un Shane Gauthier, tu sais, je veux dire, qui va être un des premiers de Bulbo, le premier, effectivement, à réussir à se faire repêcher, qui est un petit peu extraordinaire. Parce que, je veux dire, les Américains commencent à jouer au football à l'âge de 15 ans. Puis nous, la plupart, je ne sais pas pour ça, mais moi, j'ai commencé, je pense, j'avais au secondaire avec François Gauthier, j'avais 14 ans, 15 ans. Imaginez le retard qu'on a comparativement aux Américains. C'est pour ça qu'un gars comme Shane qui réussit à percer, moi, je lui lève mon chapeau, là, c'est vraiment extraordinaire. Puis oui, ça va sûrement... influencer d'autres jeunes à croire. Parce que souvent, on a tendance à voir la marche trop haute. Ouais. Puis si on y croit, la marche n'est pas trop haute. Vous savez, c'est ça qui va faire en sorte que les jeunes, si Shane Gauthier a réussi, il y en a d'autres qui vont dire, je suis capable de réussir. Ouais. Dernière question. Que fait Gilles Beaulieu maintenant? Je sais que vous êtes déménagé à Montréal. Est-ce que vous avez encore de la parenté dans le secteur? Est-ce que vous venez encore dans le coin de Dolbeau-Sesny? Oui. Est-ce que vous venez encore... Ben oui, c'est sûr. OK. Parce que j'ai mis mon père et ma mère. Oui. Ils demeurent encore à Dolbeau. Je les salue maintenant. Ils doivent écouter la radio. Ben, c'est pas Planète, par exemple. C'est une station d'une radio Internet de sport qui ne fait que du sport, qui parle du sport local. Donc, c'est peut-être pas accessible pour vos parents. Mais bref, il y a du monde qui va vous écouter, qui connaissent Gilles Beaulieu puis qui jouait dans cette fameuse équipe-là de 83. OK. Non, c'est ça, mais oui, je vais encore à Delvaux régulièrement. Pour que ce soit pour voir les amis, que ce soit pour voir les parents naturellement. J'y vais encore. Moi, j'ai été policier pendant 30 ans à la ville de Montréal. J'ai été sergent à la ville de Montréal. J'ai fait 4 missions en Haïti, puis j'ai pris ma retraite de l'an passé. Ben, Gilles Beaulieu, très intéressant. Je pense que moi, on sera pour les gens qui vont écouter cette entrevue-là, qui ont joué par cette équipe-là en 80, moi, je voulais faire un peu le lien entre Shane Gauthier, qui est venu qui la semaine passée, qui a connu une page d'histoire pour Dolbeau, et le fait que vous avez déjà participé à un pré-camp des Alouettes de Montréal. Mais c'est bien gentil, puis comme je vous dis, bonne chance à Shane, et... bravo à tous les jeunes qui vont suivre dans ce cours. Merci beaucoup. Voilà, c'était Gilles Beaulieu qui a déjà participé à un pré-camp des Alouettes de Montréal dans les années 80, qui est natif de Dolbeau-Mistassini.